quatrième et dernier temps de notre série consacrée à l'histoire de la ville de Lyon. Ce matin, 1562, Lyon, capitale protestante. Avoir parlé lundi de l'identité lyonnaise, mardi des souterrains en forme d'arêtes de poisson de Lyon. C'était un documentaire signé Victor Massé-Dépiné et Anne Fleury que vous pouvez réécouter sur notre site. Hier, de l'année de révolutionnaire, l'année 1793 à Lyon, ce matin, nous allons vous expliquer pourquoi Lyon n'a pas toujours été la capitale d'un catholicisme radical et anti-protestant. Non, au XVIe siècle, elle a même été, peu de temps, certes, une capitale protestante. Nous en discuterons avec Victor Massé-Dépiné qui co-animera cette émission avec nous et avec nos trois invités. Yves Cromenacker, il est professeur à Lyon 3 en histoire moderne, il est auteur d'une biographie de Martin Luther et d'un catalogue en 2010 d'une exposition qui s'est tenue aux archives municipales de Lyon qui s'intitulait 1562 Lyon capitale protestante. Pierre-Jean Souriac est avec nous, il est maître de conférence à Lyon 3, il est co-auteur de la nouvelle histoire de Lyon apparaître en 2018 cette année chez Privat. Et Guillaume Allonge est également avec nous en studio à Paris, il est ater à Aix-Marseille et auteur d'une thèse sur Federico Fregoso, cardinal d'origine génoise, qui a quelque chose à voir avec notre sujet de la semaine, la ville de Lyon. Bonjour à vous, Victor Massé-Dépiné. Bonjour Emmanuel. Pour cette quatrième et dernière émission de notre série consacrée à la ville de Lyon. Bonjour à vous, Yves Cromenacker, vous êtes au téléphone avec nous. Oui, bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Pierre-Jean Souriac. Bonjour. Et ainsi qu'à vous, Guillaume Allonge, bonjour. Bonjour. Alors, on va peut-être commencer avec vous, Guillaume Allonge, puisque votre travail autour de ce cardinal, qui n'est pas encore cardinal dans les années 1520, mais qui est déjà un Italien, un génois, installé à Lyon, il s'appelle Federico Fregoso, a quelque chose à voir avec le début de la réforme. Nous sommes dans les années 1525, la réforme a été traduite, les premiers livres de Luther ont été traduits, je crois, en 1519, à Lyon, dans cette ville qui est aussi une capitale de l'imprimerie. Et on débat, on discute beaucoup de cette nouvelle vision du christianisme qui vient de se faire jour quelques années plus tôt. Oui, précisément. En effet, Fregoso est un de ces Italiens émigrés exilés qui viennent en France pour des raisons politiques, puisque sa famille était pour le roi de France à Gênes. Et quand sa famille perd le contrôle de la ville, il vient à la cour de France et puis s'installe à Lyon. Et c'est là qu'effectivement il passe de la politique à la religion. Parce qu'au contact avec les milieux évangéliques de la sœur de François Ier, donc Marguerite de Navarre... Alors, il faut expliquer que les milieux évangéliques, l'évangélisme n'a pas quelque chose à voir avec l'évangélisme tel qu'on le traite aujourd'hui. Ça n'est pas un mode différent du protestantisme. C'est une façon d'appréhender le christianisme qui se situe entre le catholicisme et le protestantisme, c'est cela? Oui, c'est bien ça. En effet, les évangéliques... Il s'agit de catholiques encore, des hommes et des femmes, comme Marguerite de Navarre, comme Jacques Lefebvre d'Étaples, ce grand humaniste français, qui restent fidèles à l'Église catholique, mais sont pour une réforme assez radicale. Et donc, sont en fait d'accord avec Luther sur plusieurs points, notamment sur la justification par la foi seule, et sur le fait de traduire la Bible en français. Donc ce sont deux éléments qui sont centraux pour Luther, et que ces hommes et ces femmes reprennent. Et d'ailleurs, cette ville de Lyon, autour simplement de Fregoso, mais d'autres personnages, est une ville dans laquelle, puisqu'il y a des imprimeurs, on débat, les idées circulent dans ces années 1520, et il y a un véritable bouillonnement, pourrait-on dire, intellectuel, qui est à la fois nourri par l'humanisme qui vient du nord de l'Europe. Il faut se souvenir que Lyon est une route commerciale qui permet au nord de l'Europe de communiquer avec la Méditerranée, mais aussi de la Suisse toute proche. Et donc, il y a un véritable terreau dans lequel on débat, on discute de ce christianisme à rénover. Oui, en effet, vous avez plusieurs exilés, immigrés, suisses, allemands, des imprimeurs allemands, comme Sébastien Griff, un des les imprimeurs plus importants du XVIe siècle. Et donc, c'est là que la ville devient vraiment une capitale, je vais dire, une capitale de l'évangélisme et un laboratoire culturel, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs influences italiennes, suisses, françaises. C'est un lieu de vraiment de, d'échange et de rencontre. Et c'est là, par exemple, qu'en 1528 est imprimée la traduction de la Bible en latin à partir du texte hébreu de ce dominicain lucois, donc toscan, Sante Panini, qui retraduit un peu en opposition, en polémique avec la Vulgate de Saint Jérôme, puisque les humanistes pensent que cette Vulgate a plusieurs erreurs. Donc c'est un texte important pour le XVIe siècle. Oui, et puis on a aussi là des réfugiés politiques, des gens qui ont été des élèves de Savonarole à Florence, qui ont donc été nourris dans une discussion. Enfin moi, personnellement, en vous lisant, j'ai découvert que cette Italie est une Italie qui est aussi travaillée par la question du protestantisme ou d'une autre approche du christianisme, et que la proximité de l'Italie avec Lyon permet à ces gens de passer les Alpes et de se retrouver à Lyon et de continuer la discussion qu'ils avaient pu entamer soit à Florence, soit à Lucques, soit dans d'autres pays ou d'autres régions de la Toscane ou à Milan. Oui, certainement, mais il faut dire que Lyon est un peu une plaque tournante, c'est-à-dire que ces hommes qui arrivent à Lyon pour des raisons plutôt politiques, une opposition politique aux Médicis, donc à la papauté, reviennent pour des raisons, reviennent après en Italie avec une conversion religieuse, véritablement. Victor Massé-Lépiné. Oui, Yves Krummenacker, Guillaume Allonge vient de nous dire que Lyon était une capitale de l'évangélisme à partir des années 1520. À partir de quand est-ce qu'on peut vraiment parler de protestantisme à Lyon? Puisque j'ai lu dans vos textes qu'en 1546, l'église réformée de Lyon ne compte qu'une trentaine de membres. Et on va arriver à l'année 1562 où un tiers de la ville est protestant, c'est-à-dire environ 20 000 habitants. Comment est-ce que cette évolution si rapide se fait entre donc les années, enfin au long des années 1550 en gros? Oui, 1546, c'est aussi l'année où l'on connaît le premier pasteur à Lyon, donc la première personne qui va s'occuper de cette petite communauté. Alors pour répondre précisément à la question, je suis un peu gêné. Ce qui me gêne pour l'étude de cette période, c'est de parler de catholicisme et de protestantisme. Oui, oui. Parce que je crois qu'on est vraiment dans cette période de bouillonnement dont parle Guillaume Allonge, de bouillonnement intellectuel, de volonté de réformer l'Église plutôt de l'intérieur, de diverses manières. Et des groupes se font autour de cela. Lyon est traversé par de nombreux groupes. Il y a des confréries, des associations plus ou moins secrètes dont se méfie un peu le consulat. Ça permet aux idées de se répandre plus facilement. On a également l'importance du livre déjà souligné. Et puis le phénomène très important, je pense, de la présence de Calvin à Genève. Calvin qui, surtout à partir des années 1550, va chercher à diffuser ses ouvrages, qui va envoyer un certain nombre de ministres en France également, et entre autres à Lyon. Et il y a vraiment tout un effort qu'on pourrait dire missionnaire qui se fait de Genève tout près. Pierre-Jean Souriac, sur ce point justement, sur cette bascule, pourrait-on dire, entre ce qui n'est pas encore une séparation, comme vient de le dire Yves Krummenacker, entre protestantisme et catholicisme, mais ce qui est un bouillonnement et vers ce qui va devenir effectivement une rupture, une coupure très nette ensuite. Les années 1550-1560 sont quand même des années de grande curiosité. Je crois qu'il faut, comme le disait Yves Krummenacker, des protestants ou des catholiques, c'est très difficile à l'historien de se prononcer dans un sens ou dans l'autre. Le bouillonnement spirituel, religieux, intellectuel qui existe à Lyon permet aux Lyonnais de pouvoir aussi bien être informé des idées de réforme religieuse, des idées catholiques, et notamment au début des années 1560, quand dans la ville de Lyon, on a des prêches qui sont encore clandestins, mais dont on connaît à peu près la localisation et le maintien d'un culte catholique, il y a probablement des Lyonnais qui sont capables d'aller écouter le pasteur et d'aller écouter le curé de leur paroisse, dans cette idée de curiosité, de découverte, dans ce bouillonnement justement. C'est un christianisme de l'entre-deux. C'est un c'est un christianisme qui refuse force les radicalités, mais c'est surtout un christianisme qui se questionne. L'idée de la réforme, c'est de la réforme de l'Église, c'est vraiment quelque chose qui est assez ancien et qui remonte au siècle précédent. Et ce christianisme qui se questionne sur ses pratiques est un christianisme qui, avant les guerres, et je pense que la vraie bascule, elle est là, avant les guerres, est un temps de fait de relative, pas liberté, il faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas de curiosité et d'une possibilité de voir ce qui se passe. D'ailleurs, dans le cercle autour, dans les années 1520, dont vous parlez, Guillaume Allonge, autour de celui qui va devenir cardinal, donc Federico Fregoso, il y a des gens qui viennent du nord de l'Europe et qui peuvent discuter avec lui, qui sont des humanistes érasmiens et qui vont d'ailleurs bientôt devenir des protestants, mais qui ne le sont pas encore. Et on voit bien qu'on arrive à discuter encore pendant un certain temps, peut-être jusque dans ces années 1550, 1560, entre personnes qui ont pourtant commencé à avoir des pratiques un peu différentes et surtout aller piocher ici et là de quoi imaginer leur salut, par exemple. Oui, en effet, c'est dans ces milieux que qu'on élabore, qu'on publie des pamphlets anonymes hein, sur la prière, notamment, c'est un des thèmes plus importants pour les évangéliques, dans lesquels on met des textes de Luther, des textes de Lefebvre d'Étaples, donc un humaniste français, mais des textes de Savonarole aussi. Donc ça montre bien qu'il y a un effort de réorientation de la piété, mais qui utilise également les textes de Luther, surtout du jeune Luther, le Luther qui n'est pas encore polémique, donc qui est plutôt mystique, mais qui peut être intéressant. Alors il faut dire que ce Lyon des années 1520, avant que nous passions et basculions dans les années 1560 qui vont nous intéresser ensuite, ce Lyon des années 1520, c'est un Lyon dans lequel le roi de France passe, installe sa cour, c'est un Lyon donc où il y a des marchands qui parcourent l'Europe en tout sens et où il y a des idées qui sont échangées, mais le fait que la cour passe par là n'est pas non plus anodin, Guillaume Allonge. Non, parce qu'en effet, quand la cour est là, Marguerite de Navarre aussi est là, elle s'appelle encore Marguerite d'Angoulême à l'époque, et Marguerite est un peu à la tête de ce... La sœur du roi. La sœur du roi, elle est à la tête de ce réseau évangélique, et elle fait prêcher des prédicateurs, hein, Aimé Maigret, Pierre Sébivy, et dans les rues de Lyon, et les prêches de ces prédicateurs sont des prêches qui sont centrées sur la justification par la foi seule. Donc il y a vraiment un effort, hein, dans l'imprimerie et dans la prédication dans ce sens-là. Dites-nous, parce que ça c'est intéressant pour que les auditeurs s'imaginent ce qu'est une ville en bouillonnement intellectuel. Donc un peu comme à Hyde Park, il y a des prêcheurs qui montent sur des caisses et qui, Pierre-Jean Souriac, et qui haranguent la foule et qui d'ailleurs font des sortes de battles, on dirait aujourd'hui, entre prêcheurs d'un côté ou de l'autre. Enfin, disons, on a des prêcheurs qui viennent de toutes obédiences et qui tentent de conquérir les cœurs et les esprits, en l'occurrence. Alors, on a des prêcheurs itinérants, mais c'est pas non plus une liberté totale. Il y a des temps de prédication, le carême, l'avant. Il y a des moments de prédication particuliers et de vie spirituelle, notamment les processions qui se répètent quand même à Lyon. Il y en a deux ou trois très importantes dans l'année. Et à cette occasion-là, effectivement, il y a une prise de parole dans la rue. Il y a une prise de parole qui est hors cadre strictement de l'Église en tant que bâtiment, mais ça reste quand même une prise de parole qui est autorisée, qui est surveillée et qui n'est pas totalement débridée. Victor Massel Lépinet. Alors, Yves Krummenacker, on peut parler pour tous ces chrétiens qui sont à Lyon dans ces années 1550. On peut reprendre l'expression de Thierry Van Eckfelen qui avait écrit un livre ni Rome ni Genève de chrétiens entre deux chairs. C'est une assez belle expression. Comment est-ce que ces chrétiens entre deux chairs vont évoluer, vont se positionner à partir du début des guerres de religion, au printemps 1562? Est-ce que les positions vont devoir s'éclaircir, se radicaliser ou se clarifier, en tout cas, en particulier à Lyon? Comment est-ce que ça se passe? Oui, alors entre deux chairs, en fait, au début des années 50 et début des années 60, les chairs sont pas très bien affermi encore. Calvin commence, à ce moment-là, à effectivement un certain pouvoir à Genève, mais du côté romain, la doctrine n'est pas bien définie, le Concile de Trente n'est pas encore terminé, donc on se cherche encore. Je crois que les événements essentiels, ce sont les guerres de religion qui effectivement obligent à choisir son camp, et puis la affirmation doctrinale de l'Église romaine avec le Concile de Trente. Alors, ce qui se produit à Lyon, la ville passe aux mains des protestants, effectivement, en 1562, par une sorte de coup de force, on pourrait dire. Les Lyonnais sont obligés de partager le pouvoir assez rapidement avec les catholiques à la suite de l'édit d'Amboise en 1563, donc qui est appliqué un petit peu tardivement à Lyon. Et pendant cette période, au moins pendant la première partie, avant l'application de l'édit d'Amboise, le culte catholique est interdit à Lyon. Et je pense que la population se rend sans doute au culte protestant, qui est théoriquement obligatoire, sans forcément avoir l'impression de transgresser complètement. Les camps sont en train de se former, ne sont peut-être pas encore complètement tranchés à ce moment-là. Quand le culte catholique est rétabli en même temps que le culte protestant, à partir de 1563, là on a le choix et on a vraiment l'impression qu'une partie de la population va d'un culte à l'autre, se fait une idée en fonction peut-être de la prédication elle-même, mais aussi de la qualité des prédicateurs. Victor Massé de l'Épinay. Alors, on va revenir sur cette année 1562 et sur la paix d'Amboise en 1563, mais peut-être qu'il faut s'arrêter un petit peu avant sur cette prise de Lyon par les protestants. Pierre-Jean Souriac, est-ce que vous voulez nous raconter un peu comment ça s'est fait, nous parler du baron des Adrets qui a donc participé à François de Beaumont. À cette prise de Lyon. Il y a un tableau célèbre au musée d'histoire de la ville de Lyon qui montre le sac de Lyon. Comment est-ce que ça s'est passé dans cette nuit du 29 au 30 avril 1562. L'enjeu, en fait, je pense qu'il faut juste le prendre deux ou trois ans avant. C'est-à-dire que ce qui se passe à Lyon, entre 1559 et 1562, au moment de l'occupation protestante, c'est d'abord un enjeu sur l'espace public. Et je crois qu'on peut pas comprendre ce qui va se passer pendant les guerres de religion sans concevoir la ville comme un espace où on exprime sa foi et où majoritairement elle est exprimée par des catholiques qui voient apparaître dans leur espace de vie d'abord de la contestation discrète. On casse des ciboires, on casse des statues, donc c'est clandestin, puis des manifestations de plus en plus publiques, on chante des psaumes en français dans les rues à partir de 1560-1561, on ouvre les fenêtres, alors que jusque-là présent les protestants étaient plutôt discrets, on commence à se montrer dans l'espace public, et donc il y a un enjeu de contrôle de cet espace public, et chez les protestants, ce tournant, et à Lyon particulièrement, c'est les années 1560-1561, quand, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, ils commencent à se sentir suffisamment nombreux pour sortir de leur clandestinité dans laquelle ils étaient enfermés et inquiet. Et donc, cette question de l'espace public va amener, dans les rues de Lyon et sur la place publique de Lyon, la question de l'affrontement, de la violence. Et dans ce cadre-là, du coup, le conflit va prendre des tournures politiques. Par exemple, en décembre 1561, c'est-à-dire avant la prise d'armes protestante, le consulat lyonnais, puisque la municipalité lyonnaise est dirigée par 12 consuls, le consulat lyonnais, à partir de les élections ont lieu au mois de décembre, on va voir arriver des consuls protestants, ce qui est une première dans l'histoire lyonnaise, ce qui fait que au début de l'année 1562, avant ce fameux coup de main, à la municipalité, on a les deux tendances confessionnelles qui sont représentées. Et donc, progressivement, la ville va basculer vers une possibilité de choix partisan. Et ce choix partisan va se faire à ce moment-là par le biais du coup de force qui a lieu dans la nuit du 29 au 30 avril 1562. Mais il est dans une suite logique de fait de conflictualité urbaine qui voit arriver les forces protestantes. Alors, Yves Krummenacker, tout de même, il faut peut-être préciser à nos auditeurs qui est ce François de Beaumont, baron des Adrets, qui a laissé, disons, un souvenir plus que mitigé au Lyonnais, qui est un personnage extrêmement violent, visiblement, tout juste converti, enfin très peu de temps auparavant, d'après ce que j'ai cru comprendre, passé au protestantisme, et qui donc va entrer de façon très violente, pas simplement à Lyon d'ailleurs, mais dans toute la région, dans le Forez, et pratiquer quelques massacres. Mais aussi beaucoup d'iconoclasme, en particulier sur les façades des églises. Donc, et d'ailleurs, les catholiques visiblement maintiendront, une fois qu'ils reprendront la ville, ces bâtiments abîmés pendant un certain temps pour montrer la violence justement de cette prise et de ce sac de Lyon en 1562. Yves Krummenacker. Oui, alors le baron des Adrets, en fait, c'est quelqu'un de très mal connu et à la fois emblématique de la violence de ces guerres de religion. Il naît sans doute vers 1512 et on le voit apparaître bien plus tard. Il est, c'est quelqu'un de la noblesse du Dauphiné, il est sur des champs de bataille en Italie, on le trouve un petit peu sur ses terres dauphinoises, sans doute vers la fin des années 50, ou peut-être tout à fait des début 60, il se convertit au calvinisme, ou en tout cas il prend position en faveur du parti protestant, sans qu'on sache bien pourquoi. Et là, il se conduit de manière assez brutale, mais pas forcément de façon très différente que ce que font d'autres chefs d'armes. Il est connu pour ses cruautés, pour jeter ses prisonniers du haut des tours, par exemple, mais il n'est pas le seul à le faire. Donc il se fait remarquer d'abord par la prise de Valence, la nuit du 30 avril au 1er mai 1562. Il entre ensuite à Lyon à la demande des protestants lyonnais qui ont besoin d'une armée pour les défendre. Et là, il cherche plutôt à... Alors, il y a de l'iconoclasme, mais il cherche à ce que ça se passe dans l'ordre. L'iconoclasme dans l'ordre, c'est une conception un peu particulière. Ça doit être assez difficile pour lui. Une fois qu'on déchaîne les passions, ça doit être compliqué. Oui, c'est-à-dire qu'il s'agit de contrôler. Ça se fait finalement pas si mal que cela, dans la mesure où on a des procès-verbaux, par exemple, de tout ce qui a été pris dans les églises. Donc, il s'agit quand même d'éviter les débordements, malgré tout. Et puis, ce baron des Adrets va vouloir s'imposer de plus en plus, au point d'indisposer ses alliés. Il est mis aux arrêts en janvier 1563, emprisonné. Par la suite, il va continuer à se battre du côté protestant, puis à passer du côté catholique. Dans 1570, parce qu'il n'a pas pu avoir le commandement suprême sur les armées protestantes de la région. Donc un personnage assez, assez complexe, disons. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire en l'occurrence. Le psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, m'as-tu laissé, par le Concert des Planètes, direction Alice Cotta. C'est une interprétation d'une pièce d'un compositeur connu des Lyonnais, qui disparaît d'ailleurs pendant cette période donc très trouble des années 1562-1572. Claude Goudimel, Victor Massel-Lépiné. Oui, Pierre-Jean Soyac, vous vouliez insister sur un point, c'est que le baron des Adrets, dont on a évoqué le souvenir un peu controversé, peut-être un peu sanglant, Calvin d'ailleurs ne l'aimait pas beaucoup, n'est pas entré dans Lyon d'un coup. Ce sont les protestants lyonnais qui ont pris la ville de Lyon et qui ensuite avaient besoin d'une armée pour consolider leur prise et qui ont fait appel au baron des Adrets et à son armée. Exactement. En fait, ce sont les Lyonnais, c'est le milieu protestant lyonnais qui prend le pouvoir dans la ville. Et qui se sent assez fort pour ça. En fait, il faut inclure Lyon dans le contexte général du Royaume de France, puisque le parti huguenot, dirigé par Louis de Condé à cette époque, a pris les armes à Orléans et il y a un appel, alors non pas à la révolte contre le roi, mais au contraire, appel à libérer le roi de l'oppression des mauvais conseillers qui l'empêche d'avoir une politique religieuse équitable. Et donc, face à cela, les villes protestantes et surtout les milieux protestants des différentes villes du royaume sont appelés à se prononcer. Et dans le cadre de Lyon, le milieu protestant qui s'estime suffisamment puissant fait un coup de main militaire. Il occupe les ponts de la ville, il occupe les corps de garde au cours d'une nuit, et quand au petit matin, les Lyonnais se réveillent, de fait, la ville a basculé, mais avec les mêmes personnes que la veille. C'est-à-dire, ce sont les consuls protestants qui ont pris les décisions, ce sont eux qui dirigent l'arsenal de la ville, qui possèdent les armes, et la résistance catholique est extrêmement minime, puisque les chanoines résistent un petit peu autour de la cathédrale. Il y a une garnison dans le palais de l'archevêque qui est à Pierre-Cise, mais en dehors de ça, finalement, il y a une sorte d'acceptation de ce basculement de la ville dans l'orbite huguenote. Alors, Yves Krummenacker, ce qui se passe, c'est qu'il y a des négociations ensuite, pendant toute la période 1562-1563, la paix d'Amboise, qui donc normalement doit mettre fin à ces premières guerres de religion, s'instaure dans le royaume. Mais malgré cette instauration, il y a toujours des tiraillements entre les consuls protestants, les consuls catholiques et la volonté des uns de reprendre la main sur les autres. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette période un peu ambigu, pourrait-on dire, d'abord de ce consulat protestant d'une année, et ensuite des moments où les protestants vont finalement perdre la main tout au long des années 1560. Le consulat proprement protestant a été relativement court, finalement, donc une petite année. Donc les protestants cherchent à assurer leur pouvoir. Donc il y a le consistoire protestant, il y a un conseil protestant, le consulat qui est à leur qu'ils dominent également, là, comme on vient de le dire. J'ai l'impression qu'on part au plus pressé. Les temples, par exemple, il y a un temple très connu qui est le temple de Paradis à Lyon, ne seront construits que par la suite, au moment du consulat mixte catholique protestant. Dans un premier temps, on va exercer le culte dans des églises catholiques. On confisque les propriétés ecclésiastiques. On confisque, on démolit aussi un certain nombre de propriétés, soit pour la sécurité, ça explique la démolition de l'église et du cloître de Saint-Just, par exemple. On démolit également pour des travaux d'urbanisme, ce qui ne choque pas spécialement la population. Ces travaux d'urbanisme étaient prévus depuis déjà pas mal d'années par le consulat. L'opposition ecclésiastique faisait qu'on ne pouvait pas le faire, et là la prise de pouvoir, la confiscation des territoires, des biens ecclésiastiques permettent de le faire un peu plus facilement. Ensuite, il s'agit d'essayer de garder le pouvoir, et à partir du moment où on applique la paix d'Amboise à Lyon, ça devient de plus en plus difficile. Les dissensions entre catholiques et protestants permettent au roi de reprendre la main, de nommer lui-même des consuls. Et donc les rapports de force changent lentement. En faveur des catholiques. En faveur des catholiques, oui. Et des catholiques les plus radicaux, pourrait-on dire, d'ailleurs, pendant ces années-là. Oui. Et on pourrait dire qu'à partir de 1565, les jeux sont pratiquement faits, même si les protestants sont toujours en partie au consulat. Victor Massé-Lépiné. Alors, il y a quelques grandes personnalités dont il faut parler dans ces années-là, qui sont des personnalités des théologiens, parce qu'il y a une prise de pouvoir politique, mais les discussions théologiques ne cessent pas pendant cette année. Lyon accueille le 4e synode national des églises réformées, sous la conduite du pasteur lyonnais, Pierre Viret, qui est un personnage dont il faut peut-être parler. On peut aussi parler en face de ce pasteur Viret d'un jésuite, le père Auger, qui va créer et présider le collège de la Trinité à Lyon, et qui va être un personnage très important dans ces discussions, pour le coup peut-être moins politiques que théologiques. Pierre-Jean Sourouillac. Oui, le pasteur Pierre Viret est d'origine des cantons helvétiques, il vient de Orbe. Il fait partie de ces pasteurs formés à Genève. Par Calvin, directement, dans les années 1550, et qui va repartir sur les routes du Royaume de France à la fin des années 1550 pour d'abord planter ses églises, c'est-à-dire aller prêcher, et puis ensuite les dresser, c'est-à-dire leur donner des institutions. Il arrive à Lyon en 1562, au moment après la prise de contrôle de la ville, et il va s'attacher à la ville de Lyon. Il va demander d'ailleurs son détachement au pasteur genevois pour rester à Lyon, et on va mettre du temps à lui accorder, mais il va réussir à y rester. Et il va devenir, alors, il va pas être tout seul, hein, il y a autour entre 5 et 6 pasteurs dans la ville de Lyon à ce moment-là, et il va être le chef de file en termes de, effectivement, de prédication, en termes d'encadrement. Il va avoir une très bonne réputation pendant l'épidémie de peste des années 1564, où il va rester en ville, où il va prendre soin des malades, et il sera chassé. En fait, il va se battre effectivement avec des armes, comme vous dites, avec des armes de la controverse, mais il finira par être chassé pour des raisons politiques, tout simplement parce qu'on veut se débarrasser d'un prédicateur aussi important et d'un homme d'église aussi important, tout simplement parce que, selon l'édit d'Amboise de 1563, les pasteurs doivent être rénicoles, c'est-à-dire du royaume, et que lui-même ne l'étant pas, c'est un argument qu'on finit par trouver en 1565 pour l'expulser de Lyon. Oui, il va se retrouver du côté de chez Jeanne d'Albret dans le Béarn. Exactement, il finit sa vie en Béarn. Et en face, il y a donc des jésuites qui arrivent, des jésuites français comme Edmond Auger, mais des jésuites italiens comme Antoine Posevin, et effectivement, les jésuites tentent de s'implanter dans cette ville de Lyon où ils n'ont pas encore d'implantation à ce moment-là, aux alentours de 1555, ça commence, la volonté de s'implanter. Ils vont finalement réussir à le faire aux alentours de 1565, Guillaume Allonge. Oui, en effet, l'arrivée des jésuites marque un tournant dans le catholicisme lyonnais, c'est-à-dire que c'est l'église de la contre-réforme qui s'impose. Les jésuites sont vraiment les partisans de la contre-réforme dure, romaine, et qui va se mettre sur le même plan, hein, des ennemis de la foi. Et donc là, c'est vraiment un basculement de ce catholicisme lyonnais qui perd un peu son autonomie, sa spécificité. Et vous avez une offensive, hein, du côté de Genève, et de offensive externe, du côté de Genève d'un côté et du côté romain à travers les jésuites de l'autre. Donc c'est... Victor Massé de l'Épinay. Pourtant, ce jésuite Auger m'a donné l'impression, en vous lisant les uns et les autres, de quelqu'un qui était radical peut-être, enfin, convaincu, mais qui était quelqu'un d'assez modéré. En juin 1563 ou en juillet 1563, il y a une grande messe à la cathédrale Saint-Jean pour signifier le retour des catholiques. Et l'homélie, le sermon du jésuite Auger à ce moment-là est plutôt un appel à la réconciliation, à la concorde. Et puis ensuite, on sait que plus tard, le jésuite Auger essayera, au moment des Vêpres de Lyon, semble-t-il, de protéger, de cacher des protestants. Pierre-Jean Souriac. Alors, le contexte, justement, de ce mois de juillet 1563, c'est un contexte très particulier, puisque Lyon a été tenu par les protestants de 62 à 63. À ce moment-là, les protestants sont majoritaires. L'édit d'Amboise est de mars 1563, mais les Lyonnais refusent de l'appliquer. Donc, ça veut dire qu'ils refusent de rendre les églises. Il faut que le roi envoie un député, des commissaires. Ça met 4 mois, à peu près. Ça met 4 mois. Et alors, la messe, on ne sait pas si certaines sources disent le 7 juillet, d'autres disent le 15, mais en tout cas, il y a une messe de retour de l'église. Alors, cette messe a lieu dans la primatiale Saint-Jean, et le clergé catholique, il ne peut pas être triomphateur parce que le contexte politico-militaire sur la ville est compliqué. Et donc, ils choisissent quelqu'un qui incarne justement ce fer de lance de la reconquête catholique, mais par la prédication, par la spiritualité, par la conquête des âmes, mais qui politiquement accepte d'être modéré. Et c'est ce Edmond Auger qui a été prisonnier des protestants en 1562 quand il était à Vienne, qui est libéré et qui va faire ce prêche et qui va prendre à partir de là une place dominante dans la ville, notamment parce que quand les jésuites arrivent, ils vont obtenir à partir de 1565 la direction du collège municipal, le collège de la Trinité, qui va devenir un collège jésuite dirigé par Edmond Auger, et on rentre vraiment là dans un travail de reconquête, mais de reconquête des âmes, de reconquête dans un contexte de paix. Alors on voit bien, Yves Croumet-Lacœur, que ces années après 1563 et la paix d'Amboise à Lyon sont des années complexes de grignotage, pourrait-on dire, du petit pouvoir que s'était accordé les protestants dans la ville. Le roi, en 1565, décrète qu'il y aura 8 conseils catholiques et 4 conseils consuls protestants. Et puis progressivement, eh bien, on voit les catholiques reprendre la totalité des postes qui avaient été auparavant dédiés au protestantisme. Et disons, on s'approche de la fin de cette expérience protestante dans la ville de Lyon et de ce qu'on connaît ensuite, Yves Croumet-Lacœur, non ? Oui, on peut dire que après 1567, le protestantisme est devenu assez faible à Lyon. Il va être achevé, à peu de choses près, avec les Vêpres lyonnaises, donc qui est l'équivalent, avec quelques jours de retard, de la Saint-Barthélemy pour Lyon. Donc on en a parlé avec ce rôle du père Auger qui aurait protégé quelques protestants. À partir de là, Lyon passe complètement du côté catholique avec la Ligue, et le protestantisme va être très faible à Lyon. On a eu peut-être un tiers de la ville qui était protestante en 1562. On arrive à, en 1565, environ 10 000 protestants sur... les estimations de la population lyonnaise sont compliquées. Sans doute 50 000 vers 1560, beaucoup moins 65 parce que la peste est passée par là. Mais à la fin du 17e, à la fin du 16e siècle et jusqu'à la fin du 18e siècle, on ne dépassera pas 1 000 à 1 200 protestants à Lyon. Donc on peut dire que on a eu une période brève où le protestantisme a été très fort à Lyon, mais période vraiment très brève, et le protestantisme s'en remettra jamais. Ouais. Victor Massé-Lépinay. Pierre-Jean Souriac, je voudrais évoquer ces vêpres de Lyon et essayer de comprendre un peu le contexte qui a permis ce massacre, puisqu'on a parlé de Lyon entre les années 1520 et 1560 comme une capitale de l'entre-deux, des gens qui étaient peut-être en rupture avec l'Église ou qui voulaient faire évoluer le clergé mais sans forcément être protestants. Ces gens, à partir du moment où Lyon a été protestant, sont devenus, d'une certaine façon, protestants. Quand Lyon a été reprise par les catholiques, sont retournés un peu dans le giron de l'Église, qu'ils estimaient pour certains de presque ne pas avoir quitté. Comment est-ce que, finalement, Lyon, qu'on avait pu rêver peut-être comme lieu de concorde, de bonne conciliation, est arrivé à ce massacre des Vêpres de Lyon, donc du 29 août 1572. Alors, je pense que la guerre joue son rôle de différenciation confessionnelle imposée. C'est-à-dire, ce qu'on disait tout à l'heure dans les années 1560, 61, 62, il y a une forme de liberté, pas de liberté, mais en tout cas de curiosité possible. À partir du moment où Lyon bascule du côté protestant, la majorité qui est catholique va faire le gros dos et accepter. À partir du moment où Lyon redevient d'abord une ville dirigé par un consul à mi-parti, avec des protestants et des catholiques, et où surtout le roi a soutenu les catholiques, où à l'intérieur même de la ville de Lyon, on a un dynamisme du catholicisme, le choix de ces gens qui ont accepté, bon an mal an, le protestantisme, revient à leur église d'origine, et de fait, Lyon redevient ce qu'elle a toujours été, qui est une ville catholique. Et à partir de là, se met en place le processus progressif d'éradication et de purge. En fait, ce à quoi on va assister à partir de 1565, au moment où Pierre Viré est expulsé jusqu'en 1572, c'est un processus progressif de purge. On commence d'abord à les expulser des instances politiques, à partir de 1567. Ensuite, on va interdire les lieux de culte. Donc les protestants font quelques complots pour tenter quand même de conserver leur place. Mais progressivement, on les écarte. Et de fait, la ville, quand elle arrive à l'été 1572, est une ville qui s'est débarrassée de ce contexte, de cette présence protestante, qu'elle considère quand même comme une forme de trahison à ce qu'elle devait être vis-à-vis de son roi. Et donc cet été 1572, quand arrive la nouvelle de la Saint-Barthélemy à Lyon, et c'est autour de la circulation de l'information que se noue le problème de la Saint-Barthélemy lyonnaise, on y reviendra probablement, on est dans le cadre d'une ville, de fait, qui est catholique et qui regarde vers Paris. Oui, alors cette circulation de l'information, on en parlait à propos de 1793, hier, pendant la Révolution française, il faut 3 jours, à peu près, pour que des nouvelles, 3-4 jours, pour que des nouvelles, un peu plus même, arrivent depuis Paris. Et dans ce contexte de Saint-Barthélemy se déclenchant à Paris, de volonté de contrôle du pouvoir royal, que ces nouvelles n'apparaissent pas spontanément dans la population lyonnaise, etc., mais qu'elles soient contrôlées par le pouvoir local, eh bien, il y a, non pas un malentendu, mais un moment de trouble, de tension, et c'est ce moment-là qui va faire se déclencher les vêpres lyonnaises. Quand même, 1800 à 3000 morts, c'est ça? On ne sait pas très bien, d'ailleurs, on ne peut pas savoir. On ne sait pas, on a du mal à compter. C'est cette histoire de la circulation de l'information, donc l'événement parisien, c'est à partir du 24 août, la Saint-Barthélemy parisienne. À Lyon, on a une lettre reçue par le gouvernement gouverneur le 27 août, donc trois jours après, mais sur ce qui s'est passé avant, la tentative d'assassinat sur l'amiral de Coligny, et la lettre du roi qui vient informer Lyon comme quoi il y a eu un complot et qu'il a ordonné ce massacre et en demandant qu'à Lyon les choses restent calmes, arrive le 29 août. Mais le problème, c'est qu'entre ce 24 août et le 29 août, il y a des marchands lyonnais qui, eux, sont rentrés bien plus vite que les courriers du roi, qui sont arrivés dans la ville en disant « Le roi a fait tuer tous les protestants à Paris, on doit faire la même chose à Lyon ». Et c'est comme ça que s'enclenche ce mécanisme qui va conduire à ces milliers de morts. Guillaume Allonge. Oui, je voulais revenir un peu sur les conséquences de cette victoire catholique. Vous avez des conséquences qui sont des conséquences culturelles aussi. Parce que Lyon n'est plus donc une ville d'accueil pour les exilés, les protestants italiens qui pendant longtemps perçoivent Lyon un peu comme une seconde Genève. Donc pendant longtemps, c'est une ville qu'on peut considérer un lieu de refuge. À partir des années fin des années 60, 60 et début des années 70, une partie importante des grandes familles d'imprimeurs qui avaient été évangéliques et puis avaient été plutôt sympathisants avec la réforme partent, quittent la ville et vont plutôt, il y a un exode vers Genève. Donc c'est un appauvrissement, vous voulez dire Oui, un peu un déclin culturel dans certains milieux au moins de la ville à cause d'une radicalisation en quelque sorte. Yves Krummenacker, sur ces conséquences justement à la fois de cette période qui court de 1562, de la prise de Lyon par les protestants jusqu'à 1572, leur élimination et le massacre des Vêpres lyonnaises, et les conséquences de ces événements de ces 10 années, justement, sur l'importance qu'a pu avoir intellectuellement, commercialement, la ville de Lyon. Alors, sur le commerce, c'est difficile à dire, parce qu'il y a plein d'autres événements qui jouent. Je ne suis pas sûr que le fait que des catholiques tentés par le protestantisme ont revenu au catholicisme, ça change beaucoup. La présence des Italiens, des Allemands, des Suisses, etc., qui étaient souvent hétérodoxes, plus ou moins luthériens, proches des milieux réformés, on en trouve encore en petit nombre par la suite, mais au XVIIe siècle, la communauté protestante, c'est presque uniquement une communauté étrangère. Ce qui n'existe plus d'un point de vue culturel, c'est un bouillonnement intellectuel français à Lyon. Il y a la culture protestante est quasiment inexistante. On parlait du collège de la Trinité qui est donné aux Jésuites en 1465. Les protestants n'ont aucun équivalent dans la région. Les collèges les plus proches, c'est Pont-de-Vel, Annonay, Gex. Et encore qui se mettent en place au début du XVIIe siècle. Donc les élites lyonnaises sont réduites à faire instruire leurs enfants par des précepteurs ou les envoyer chez les jésuites en espérant que les enfants ne se convertiront pas. Donc du point de vue culturel pour le protestantisme en tout cas, à partir des Vêpres lyonnaises, Lyon ne compte pratiquement plus. Victor Massé de l'Épinay. Oui, et sur ces élites protestantes lyonnaises, Yves Krummenacker, vous insistez aussi sur finalement leur responsabilité dans l'effondrement du protestantisme à Lyon entre 1564 et disons 1570. Il y a eu aussi un phénomène, non seulement le bouillonnement intellectuel c'est peut-être tari, mais les élites se sont coupées aussi, dites-vous, du petit peuple de Lyon, du petit peuple des ouvriers du livre, du petit peuple de commerce. Pourquoi est-ce que ces élites protestantes ont finalement, peut-être, je ne sais pas s'il faut dire baisser les bras, ou en tout cas se sont coupées d'une partie de leur base, j'allais dire. Je pense qu'il y a eu un malentendu dans toutes ces volontés de réformer l'Église. La réforme de l'Église vue par le petit peuple, vue par les compagnons imprimeurs, ce qu'on appelle les griffarins, ou vue par des pasteurs missionnés depuis Genève, ce n'est pas du tout la même chose. On a sans doute dans le peuple lyonnais une vision d'une Église beaucoup plus égalitaire, où ils auraient toute leur place, et ce qui se met en place, en réalité, c'est une Église sur le modèle de Genève, une église assez hiérarchisée, sous la domination des pasteurs, des anciens, c'est-à-dire des notables, et avec une discipline stricte. Et ça, c'est quelque chose que ne cherchait sans doute pas la population lyonnaise attirée par des idées réformatrices. Pierre-Jean Souriac, sur ces questions justement de coupure entre l'élite du protestantisme lyonnais et un peuple. C'est vrai que c'est très impressionnant ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire avoir à peu près un tiers de la population qui épouse votre cause et puis ensuite n'en avoir qu'un petit millier sur une ville qui fait quoi, 50 000 habitants au moins. C'est vrai que c'est assez impressionnant de fonte, pourrait-on dire, de il y a un reflux, il y a un reflux considérable, mais justement l'historien que vous étudiez, que vous évoquiez tout à l'heure, Thierry Wallenkfelen, l'a bien montré que l'après première guerre civile, l'après première guerre de religion et ce temps du reflux fondé sur cette institutionnalisation qui déçoit probablement un certain nombre d'adeptes des idées réformatrices au début des années 1560. Et puis concernant l'élite, la première guerre de religion, c'est une prise d'armes des Huguenots qui est un échec, hein, quand même. Ils n'arrivent pas à changer le gouvernement du royaume. Et le roi, surtout, se bat contre le parti Huguenot. Donc, chez ces élites lyonnaises qui appartiennent, qui sont dans une culture de l'identité civique, de la bonne ville, c'est-à-dire celle qui obéit au roi tant que le roi respecte ses libertés, dans ce rapport entre le roi et la ville, la première guerre de religion est quand même une expérience particulièrement douloureuse. Et Guillaume Allonge, on voit bien combien ce moment-là est un moment, y compris pour l'Italie que vous connaissez bien par l'intermédiaire des travaux que vous avez menés des deux côtés de la frontière et des deux côtés des Alpes, un moment où on va finir par se classifier, on va finir par faire des territoires qui seront donc libres de l'autre religion et ça va être la même chose dans ces villes qui étaient pourtant des villes protestantes du nord de l'Italie ou de la Toscane qui vont progressivement tomber dans l'escarcelle de la papauté en l'occurrence et devenir véritablement des villes catholiques en l'occurrence à ce moment-là. Et en fait, on a un peu un décalage entre la France et l'Italie, c'est-à-dire que en Italie tout ça, la radicalisation, hein, et la défaite de cet évangélisme se fait plus tôt, donc se fait, on va dire, à la fin des années 40 et début des années 50. C'est ça, au milieu du XVIe siècle, c'est réglé. C'est réglé, mais ce qui peut-être est un peu la nouveauté des dernières décennies de l'historiographie, surtout italienne, c'est que pendant 20-30 ans, au cœur même de la curée romaine, vous avez deux partis. Un parti qu'on appelle des spirituels, qui sont pour le dialogue avec, donc contre le schisme, et un dialogue avec les protestants, dont fait partie ce cardinal Fregoso. Et de l'autre, vous avez ce qu'on appelle les intransigeants. Et cette lutte est une lutte surtout interne au catholicisme, et qui arrive à sa fin en 1555 avec l'élection du pape Paul IV, qui est le pape inquisiteur, le refondateur de l'inquisition romaine en 1542. Donc à partir de là, tout est joué en Italie. Et en France, pendant les guerres de religion, ça dure encore un peu. Hein, parce que... Victor Vassel de l'Épinay. Oui, Yves Croumanacker, on approche de la fin de l'émission. Je voulais vous demander peut-être ce qui reste de cet épisode protestant à Lyon. Comment est-ce que cette mémoire s'est transmise ou non au fil des siècles? Qu'est-ce qui reste dans l'identité lyonnaise de cette année protestante à Lyon? Je ne sais pas s'il reste grand-chose dans la mémoire protestante, ou alors par défaut, le manque de décoration sur la façade de la cathédrale de Lyon, puisque les statues qui s'y trouvaient n'ont jamais été refaites, par exemple. Dans la mémoire protestante, Lyon n'est pas une grande ville. En revanche, c'est une mémoire qui peut être revivifiée. On en a eu un bel exemple lors de l'exposition qui s'est tenue aux archives municipales et qui s'intitule comme cette émission Lyon 1462 capitale protestante. En 2010 et qui a eu un très très grand succès. Je crois que c'est une des expositions des archives municipales qui a eu le plus de succès. Les paroisses protestantes du Rhône, de Drôme, d'Ardèche sont venues en délégation pour visiter cette exposition. Enfin, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se réveillait, mais qui était plus ou moins perdu. Alors Lyon a continué à jouer un rôle relativement important dans le protestantisme au XXe siècle, par exemple, et c'est en 1938 que, lors d'un synode, a été créée l'Église réformée de France, en réconciliant deux branches du protestantisme. C'est à Lyon aussi qu'en 2013, luthériens et calvinistes se sont unis dans l'Église réformée unie de France. Donc Lyon, c'est une ville qui joue un rôle de temps en temps dans l'histoire du protestantisme, mais 1562, ça avait été un peu oublié. Merci et merci à tous les trois d'être venus nous expliquer la complexité, pourrait-on dire, de ces tensions dans la ville de Lyon au XVIe siècle, au moment des guerres de religion. Yves Krummenacker, je rappelle que vous êtes auteur d'une biographie de Martin Luther, que vous avez fait donc ce catalogue d'exposition aux archives municipales de Lyon, 1562, Lyon, capitale protestante. Vous n'étiez pas tout seul, c'était un catalogue collectif. Pierre-Jean Souria, qu'on attendra avec impatience votre nouvelle histoire de Lyon, qui va peut-être renouveler la vision que nous avons de cette ville, c'est chez Privat cette année. Et Guillaume Allonge, on attend la traduction de votre thèse, justement, sur Federico Fregoso en français, puisque vous avez soutenu dans une chaire qui était à la fois italienne et française. Il est déjà paru en Italie, mais il paraîtra bientôt en France. Merci encore. Et puis, il faut mentionner effectivement le très grand travail, l'hommage qui est rendu donc dans l'histoire de Lyon et d'ailleurs à un grand historien de Lyon, à savoir Bruno Benoît, où pas mal d'historiens et d'historiennes ont participé à ce qu'on appelle des mélanges. Ça s'intitule « Histoire au pluriel de Lyon et d'ailleurs » et c'est publié aux éditions du Poutan, P-O-U-T-A-N. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. Clément Daté était à la technique aujourd'hui et Anne Fleury à la réalisation. Et demain, nous diffuserons, ainsi que toutes les émissions qui ont participé au Forum de France Culture, la série d'émissions enregistrées samedi dernier, donc à la Sorbonne, autour de la question de sexe et pouvoir. Et pour notre part, nous diffusons le débat. Donc, qui avait été organisé avec Michel Perrault, Clay Plumosil, Bibia Pavard et Jean-Marc Abramovici autour du thème des révolutions sexuelles. C'est demain dans la Fabrique de l'Histoire.